Voici Guillaume Auguste. C'est vrai les amigos. Oui. Alors l'autre jour j'étais dans un étang, on se lavait avec un pêcheur et il me disait Ernesto, fils de la faune, protecteur de la flore, tu t'y connais un peu en astéroïde. Je dis astéroïde, bien sûr, astéroïde, météorite, comète, t'as besoin de quoi, il te faut combien? Je te préviens, cash only, je prends pas l'échec. Non, je m'adresse pas au trafiquant, je m'adresse à l'homme de science. Il me dit, est-ce que tu as entendu parler de la conférence internationale de défense planétaire qui s'est tenue aux États-Unis la semaine passée? Je dis bah ouais, je comptais l'évoquer ce matin justement dans la bande originale. Il me dit quoi, ils comprennent quand tu parles de science? Je dis bah pas tous. Albert comprend, Leïla si on explique bien, les autres ils ont des qualités. Daniel, enfin, il a sûrement des qualités. Et Enki Bilal, en plus, il est là, donc ah, peut-être ça va un peu mettre du niveau. Et je vous juge pas, les amigos, hein, l'astronomie, c'est une discipline complexe. Moi-même, bien avant ma période CNRS, Collège de France, Frédéric Jamy, ça, avant Kubert Reeves, Mars, hein, je veux bosser avec toi, c'est capricieux, celui-là, plus jamais je travaille avec lui. Eh bien, j'ignorais tout de cette conférence internationale de défense planétaire censée protéger la Terre contre la menace d'un astéroïde, en fait. Parce que c'est vite arrivé un astéroïde. T'es là, t'es dans ton salon, tu regardes Taratata, hein, Maître Gims featuring Françoise de Panafieux, ils reprennent Bamboléo Bamboléa, on est en plein solo de flûte, tu dis ça c'est une belle revisite. Et bien t'es en kiff, et bien là bim dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a? Un caillou de 100 mètres de large qui fonce à 69 000 km/h sur ton pavillon. Je te le dis, si ce genre de caillou, si ça arrive jusqu'à ton divan lit, ça va faire bouger tes murs porteurs, et ton quartier porteur, et ton pays porteur, et ton continent porteur. Enfin, je trouve que ça arrive en Sibérie en 2013 avec une météorite de moins de 20 mètres qui s'est désintégrée dans le ciel, ça a brisé des dizaines de milliers de vitres. En comparaison, quand Grégoire a chanté Don't Look Back in Anger à la gare de Lyon, ça a juste endommagé certains câblages et le système lymphatique d'une partie du personnel navigant. Une paille. Et alors, donc, potentiellement, il y a un risque. C'est très minime, mais il y a un risque. Genre les dinosaures, il y a 65 millions d'années, ils ont vu un astéroïde de 10 km de large foncer sur eux. Ils ont fait « Chérie, je crois que ça a coupé. » Et ça en était terminé de le règne de mes deux. Là. Alors, parce que ça fait beaucoup le malin, Diplodocus. Hein, en soirée avec son cou, ça fait des trucs. Tu te dis « Ouais, ça, même Michael. » Mais en attendant, les Diplodocus, quand il s'agit de dévier un astéroïde de sa trajectoire, ils étaient d'une incompétence folle. Quoi. Et si on avait dans le studio, je le dirais en face. Hein. C'est pas une question de. Il faut arrêter de tirer la corde de l'hypocrisie, je le dirais devant un diplomate. Juste nous, Sapiens, on a des réponses à cette menace. La conférence de défense planétaire de la semaine passée, les agences spatiales du monde entier, ils ont fait une simulation géante en mode et si New York était menacée par un astéroïde, est-ce qu'on arriverait à sauver la ville, quoi? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'ils ont échoué comme des merdes, vraiment. New York s'est fait défoncer là en état. La Terre est protégée par des branleurs, je vous le dis. Tant que Bruce Willis aura sa sciatique, on sera pas en sécurité. Non, l'agence spatiale européenne a appelé l'ostéopathe de Bruce. Il a dit niet, impossible. Et donc la bonne nouvelle, c'est que si ça arrive, ce sera dans 34 millions d'années. Ça va, on a le temps d'avoir les prochains tomes de votre BD, Inky, ça c'est bien. On peut encore en faire 17. Quoique le patron de la NASA a quand même déclaré qu'un astéroïde pourrait entrer en collision avec la Terre dans les 60 ans. À venir. Et je sais ce que vous allez me dire, Nagui, vous allez me dire oui, moi de toute façon il me reste que deux bonnes années devant moi, après je serai ravagé par la syphilis, ce qui se passe dans 60 ans, je m'en branle avec la main d'un copain. Je sais Nagui, mais nous, hein, moi dans 60 ans j'aurai 97 ans, je fêterai mes noces de papier crépon avec Leïla, oui. Quand je serai marié 9 jours plus tôt, après une cour assidue de 60 ans basée sur du popos gratuit, oui. Et bien à ce moment là je serai bien heureux de voir le monde contrer une menace extérieure comme ça, parce qu'on est toujours plus soudés en fait face à un ennemi commun. C'est vrai, regardez l'équipe de France à la Coupe du Monde, ils avaient un ennemi commun, le spectacle, eh bien ça a fait des miracles. Oh, enfoiré. Quel chien gueule. On en reparle dans 34 millions d'années. Bonne émission. Quel chien. Yes. La bande originale.